Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi à une alimentation appelée Elite, c'est tout près du magasin appelé Fidodido en commune urbaine de Mukaza. Les commerçants en une totale désolation disent n'avoir rien sauvé. Le gouverneur de la province de Kirundo met en garde les chefs culinaires qui tenteront de faire le commerce vers le Rwanda voisin. Ils seront considérés comme des traîtres, des malfaiteurs à punir exemplairement, vous l'entendrez. Dans ce journal également, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique annonce le retour dans les jours à venir de plus de 1000 réfugiés burundais se trouvant en Namibie. Et dans la chronique santé de ce mardi, on vous parlera des causes de malformations infantiles. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Plus de 1000 réfugiés burundais se trouvant en Namibie seront bientôt rapatriés pour regagner leur pays natal. C'est la conclusion qui a été formulée après la réunion tripartite en ligne entre le Burundi, le Haut Commissariat pour les réfugiés et la Namibie. Pierre Ngurikiye, le porte-parole du ministère en charge de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, précise que jusqu'à mi-septembre, l'ONU aura déjà dressé les procédures de rapatriement de ces réfugiés burundais. Suivez. Et il s'est tenu une réunion tripartite entre le Burundi, la Namibie, les représentations du HCR en Namibie et au Burundi. Réunion qui avait pour objectif d'analyser ensemble comment rapatrier les quelques 1041 réfugiés demandeurs d'asile burundais qui se trouvent en Namibie. Et à l'issue de cette réunion, nous nous sommes convenus que d'ici deux semaines, c'est-à-dire le 14 septembre, nous aurons mis ensemble un document à partir duquel nous allons passer au rapatriement de ces réfugiés. Parce que vous savez, avec ce pays, la Namibie, il n'y a pas d'accord tripartite comme c'est le cas pour les autres pays, le Rwanda, la Tanzanie ou la République démocratique du Congo par exemple. Comme il n'y a pas alors cet accord tripartite, nous allons nous convenir sur un document de travail qui va servir de base légale internationale pour ce rapatriement. Et ce document, on l'aura mis en place d'ici deux semaines. Après, alors, on va passer à la modalité pratique de rapatriement de ces réfugiés et demandeurs d'asile qui se trouvent dans ce pays, comme c'est le cas avec les autres pays actuellement. Après la mise en place de cette base légale internationale, nous allons analyser ensemble les modalités pratiques et comment on peut assurer le transport de ces réfugiés demandeurs d'asile, un transport qui va être respectueux des mesures qui ont été mises en place pour faire face au coronavirus. Les chefs culinaires de la province de Kirundo opérant sur la frontière avec le Rwanda voisin sont mis en garde que quiconque sera attrapé en train de faire le commerce clandestin vers son pays voisin ou qui va collaborer avec ses commerçants dans ce trafic, il sera considéré et sanctionné comme un traître et un malfaiteur. Cependant, il y a des chefs culinaires qui accusent et aussi certains policiers de collaborer avec ces commerçants. Cela a été dit ce lundi dans la réunion de sécurité qui a été tenue par le gouverneur à l'endroit de l'administration, les instances de sécurité et de justice, ainsi que les représentants des services œuvrant en province de Kirundo. Le point avec Abraham Safari. Dans cette réunion, ils ont constaté que certains faits sont à la base de l'insécurité, à savoir la chasse aux sorciers. Certains accusent injustement les autres, ce qui engendre des fois la mort de ces derniers alors qu'il s'agit des conflits fonciers. Le gouverneur de la province de Kirundo a mis en garde les gens qui accusent les autres sans preuve, qui seront sanctionnés sévèrement pour décourager cette pratique devenue monnaie courante à Kirundo. À côté de cela, il y a ceux qui préparent et ceux qui consomment des boissons alcoolisées et prohibées. Le constat est que que certains administratifs aussi préparent cette boisson ou bien sont corrompus pour laisser ces vendeurs de boissons prohibées ou encore peuvent les avertir lorsque la police organise une fouille. Autre cause d'insécurité, c'est le commerce des habits vers le pays voisin, le Rwanda. Le procureur de la République en province de Kirundo a signalé que 15 barreaux d'habits de plus de 9 millions ont été saisis, surtout dans la commune de Nega, en train d'être acheminés vers le Rwanda au cours de la semaine écoulée. Le gouverneur de la province de Kirundo a mis en garde certains chefs de colline qui collaborent avec ces commerçants clandestins qu'ils seront considérés et sanctionnés comme des malfaiteurs. Mais certains chefs de colline pointent de doigt à certains policiers qu'ils soutiennent ce commerce avec une main invisible. Cette autorité n'a pas oublié de mettre en garde certains agents de justice et les OPJ qu'ils sont des fois corrompus et qui ne seront pas épargnés des sanctions conformément à la loi. Cette rencontre avait réuni l'administration, les représentants des instances de sécurité et de justice ainsi que les représentants des services œuvrant en province de Kirundo. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Un incendie s'est produit dans la nuit de ce lundi dans une alimentation appelée Elite, tout près d'un magasin appelé Fidodido. Nous sommes en zone Rohero de la commune urbaine de Mukaza. Plusieurs produits se trouvant dans cette alimentation ont été réduits aux cendres. Les commerçants disent avoir subi une grande perte parce qu'ils n'ont rien sauvé. Ils demandent de l'aide aux bienfaiteurs. Les détails avec Lydie Gahimbari. Ce sont certaines commerçantes dont les marchandises ont été péries dans un incendie survenu la nuit de ce lundi dans une alimentation appelée Elite en mairie de Bujumbura. Elles déplorent voir leurs produits comme le haricot, le riz, le fruit et autres devenus cendres à cause de cet incident. Et disent également que cet incendie s'est revenu d'un court-circuit dû à la surintensité. Nous pourrions dire que c'est dû au courant électrique. Nous achetons de produits chers d'environ 5 millions. Nous vendons de fruits, de l'eau, d'haricots et du riz. Vraiment, je suis dans la grande détresse. Ces commerçants ont affirmé qu'ils n'ont rien sauvé. Nous n'avons rien sauvé. Tous les produits ont été brûlés. Les marchandises ordinaires valent environ 3 millions. Mais c'est plus que ça, car nous avons également un ordinateur, une imprimante et un réfrigérateur. Et demande à toute âme charitable de leur venir en aide. Ces commerçantes disent que la vie sera difficile, surtout que l'année scolaire va bientôt commencer. Je fais appel à toute personne qui se sent capable de nous venir en aide, car je vois que la vie devient difficile. Nous allons passer dans le chômage. Je trouve que la vie s'arrête, sauf si Dieu seul nous vient en aide. Ces commerçantes estiment que la perte due à cet incendie vaut environ 10 millions de francs bon. Isanganiro, la radio de l'avenir. Nous poursuivons ce journal. Certains des cultivateurs du coton en zone Gihanga de la province Bubanza se montrent démotivés. Ils disent en effet qu'ils travaillent à perte. L'agronome est chargé de suivre la culture du coton pour le compte de la compagnie de gérance du coton. Confirmer ces informations, Gérard Nimagalitse explique cette situation par des inondations envahissant les réserves cotonnières et la mauvaise gestion des appuis accordés aux cultivateurs. Les détails, c'est dans ce reportage signé Yvette Nijimbere. C'est sous serpent de cultivateurs du coton de la commune Gihanga en province Bubanza affirmant que cette culture est en voie de disparition. Ils évoquent la réduction des périmètres du coton qui cause le faible rendement cotonnier ainsi qu'une rémunération peu incitative des cotoculteurs comme cause de la baisse de production du coton. Celui-ci est l'un de ces cultivateurs. Il essaie de comparer la culture du coton des années passées avec celle d'aujourd'hui. C'était très bien, le cotoculteur était bien considéré dans la société, surtout en période de production. Il pouvait même demander une dette pour le payer aux prochaines productions. On a même changé les sortes de graines du coton. Auparavant, la terre était fertile, on avait une bonne production, mais aujourd'hui, non, on ne peut pas comparer les deux productions. Aujourd'hui, on a besoin des insecticides. Il ajoute que cette culture semble être négligée, d'où une nette diminution du nombre de cotonculteurs. La pluie torrentielle qui s'abat sur nos cultures, la réduction des périmètres de coton sont des défis. Auparavant, nous étions soutenus par beaucoup de gens, à tel point que les insecticides arrivaient avant même les semences, sans oublier cette pluie qui détruit nos cultures. Jacqueline Miburo est du même avis. Elle souligne que cette culture était d'une grande importance, mais qu'aujourd'hui, le rendement est nul. Limagalite Gérard, un agronome de la société de gérance d'Icoton, affirme que cette culture est à l'agonie, mais indique que c'est à cause du désintéressement des cotoculteurs. Vraiment, il y a des cas où nous avons des pénuries de médicaments pour les insectes. Si on voit l'attaque des maladies aujourd'hui, on peut passer des semaines sans voir des produits pour les insectes. La culture du coton fut introduite au Burundi dans les années 1919 dans le but que les cultivateurs de l'intérieur du pays puissent avoir de l'argent. La commune de Gihanga disposait de 5 stocks de cette culture. Merci Yvette. Grogne des caféiculteurs ayant vendu leur récolte à la station de lavage de Migezi en commune Tangara de la province Ngozi. Nous sommes au nord du pays. Ils disent avoir attendu leur rémunération depuis longtemps en vain alors que s'annonce déjà la rentrée scolaire et la saison culturelle. Ah, le directeur technique de l'office de développement du café, Jules Mukunwa, dit attendre ce jeudi le rapport final de clôture de paiement. Pour celui qui ne sera pas payé, prévient-il, des mesures seront prises allant dans le sens de réhabilitation de ces caféiculteurs dans leurs droits. Apollinaire Mouzaga, la correspondance. Ces caféiculteurs indiquent qu'après avoir attendu longtemps, ont soumis la question à leur administrateur communal qui lui aussi dit l'avoir déjà transmise à ses supérieurs. Ces habitants de Tangara attendent toujours impatiemment leur argent en cette période de début de la saison culturelle A et de la rentrée scolaire 2020-2021. Selon eux, c'est à base de cet argent qu'ils comptent acheter des cahiers, uniformes, payer le minerval et autres. Ils envisageaient également acheter des engrais chimiques et semences pour cette saison culturelle A. Le directeur technique de l'Office de développement du café annonce que le paiement sur toutes les stations de lavage de café de l'ODECA touche à sa fin. Jules Mukundwa précise que même pour les acheteurs privés, le rapport final du déroulement du paiement lui sera parvenu au plus tard ce jeudi. Des mesures adéquates allant dans l'intérêt du caféiculteur seront alors prises pour toute station qui n'aura pas encore payé ses clients, à savoir les caféiculteurs, met-il en garde. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Agriculture, toujours pour vous dire que les palmiculteurs de la commune Kanyosha en province de Bujumbura sont lamentés de la baisse du prix de la noix de palme. Il est passé de 1000 à 500 francs burundais le kilo. Une situation qui impacte sur les revenus des ménages. Les commerçants fabricants de savon et les acheteurs de ces noix confirment les faits. Et ils disent que cela est dû à la baisse du prix du savon Bururu de la société Savonor qui est subventionné dans l'optique de lutter contre le coronavirus. Selon eux, cette situation constitue une concurrence déloyale pour les fabricants artisanaux de savon. Certains élèves habitant les quartiers nord de la capitale Bujumbura font savoir qu'ils ont exercé différentes activités pendant les grandes vacances. Ceux qui se sont exprimés sur la radio Isanganilo indiquent que les formations qu'ils ont suivies dans cette période leur seront utiles lors des enseignements de l'année scolaire qui s'annonce. Pacifique Ndikulio, un des encadreurs de la jeunesse en vacances, demande à ses élèves de mettre en application les conseils et les enseignements reçus. Vestine Boutoui. Ces élèves rencontrés dans la zone urbaine d'Okamenge, au nord de la ville Bujumbura, indiquent avoir aidé leurs parents durant cette période des grandes vacances. Les autres ajoutent avoir suivi des formations à la paroisse Kamenge qui leur seront utiles pendant la reprise de l'année scolaire. J'ai beaucoup bénéficié. Je ne connaissais pas l'anglais ni bien le français. Et à l'église aussi, on a bénéficié parce que notre prêtre nous a enseigné beaucoup de choses. C'est tout ce que je peux dire. On nous a donné de nouveaux conseils qu'on n'avait pas eu l'année passée. Pacifique Ndikulio, l'un des encadreurs de ses élèves, demande aux parents de s'impliquer davantage